Au sport, le 7 décembre, au hockey mineur dans la Ligue simple lettre Alfred-Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Jets Frontières à Istengis à 13h30. L'équipe Bantam A affronte Hockey Expert Sherbrooke à l'aréna Eugène Lalonde à 18h30. L'équipe Midget B se rend à l'aréna Yvan Dugré pour se mesurer à Thibault GM Sherbrooke à 19h30. Le 9 décembre, dans la Ligue de basketball Benjamin masculine Division 3, Louis Saint-Laurent visite Alexander Galt à 17h.